Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver. Et oui, les vacances sont terminées. L'équipe a fait le plein et a ressourcé les batteries. On va enfin pouvoir lancer cette saison 2023-2024. On pensait commencer en fanfare avec la Coupe du Monde et la performance de nos Français. Malheureusement, la réalité est tout autre. On en parlera juste après. On va tout de suite accueillir nos chroniqueurs habituels, Vincent, Rémi et Nico, puisque Nico va essayer d'être plus présent cette année. Et c'est une bonne nouvelle. Comment ça va les gars? Vous avez passé un bel été? Yo la team, week-end de récupération, car vacances de blessés en fait. Hein. On évite de se bouger, on se repose et puis on se prépare pour le mondial. On se prépare pour les JO. Il y a la saison NBA avant, t'inquiète. On va pas te laisser un an sans activité. C'est vrai, ça va. Vincent, ça a été toi? Ouais, ça a été nickel, un été reposant, donc tant mieux, on est prêt pour attaquer la nouvelle saison qui arrive. Au top. Parfait. Et toi Nico, quel est ce regain d'envie pour participer aux émissions? Je me dis que si je mets plus d'envie que l'équipe de France, je peux faire des trucs bien en fait. Il y a vraiment pas de mal. Donc du coup, je pense qu'on va devenir un podcast, un des meilleurs podcasts de France, direct. On va mettre un peu d'énergie quoi. C'est pas déjà le cas? Peut-être que Nico est l'élément déclencheur là-dessus. On verra ça sur les statistiques. Bon, c'est pas le sujet. En tout cas, on va commencer cette saison par parler du désastre de l'équipe de France. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe. C'est parti. Et oui, comme on l'a dit, Coupe du Monde oblige. On était devant nos écrans et nous avons assisté à la pire débâcle de l'ère moderne de notre équipe de France de basket. Par où commencer? Tout simplement par le premier match. France-Canada, ouverture ce vendredi. On s'attendait à un match serré, qui a été le cas pendant le premier quart-temps. Première mi-temps, on peut le dire. C'est vrai que premier quart, on le gagne 18-14 avec un match qui était fort d'intensité. Les arbitres laissaient beaucoup jouer. Ça a beaucoup joué d'écoute. C'était assez agréable à voir en soi. Même si deuxième quart-temps, on a vu les Canadiens passer un step. Et là, on a commencé à un peu paniquer, à voir nos lacunes, notamment défensives. Mais on en parlera plus tard. Et finalement, on n'est qu'à moins 3 à la pause. Et là, on se dit, tout est possible. Mais ouais. En deuxième mi-temps... Sachant que même première mi-temps, c'est comme une bonne réussite au shoot qui nous maintient dedans. Oui, Evan est bouillant en première mi-temps. 19 points. Non, c'est fin du match peut-être. Non, il finit à 21. C'est 27, c'était contre les Lettons. Il finit à 24 points, il me semble. Et 21 points, j'ai la stat sous les yeux. Et du coup, en première mi-temps, il en met 17 ou 18, je crois. Donc fort, Evan. 19. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, on a eu quelques petits soucis. Ah, il y avait une deuxième mi-temps? Ouais. si t'as éteint ton écran, t'as bien fait, en fait. Nico, vas-y, je t'en prie. Moi, mes yeux, ils ont saigné. Du coup, j'ai pas pu regarder la deuxième, en fait. C'était physiquement impossible, en fait. Je crois que, vu comment bouillonne Vincent, il a dû la voir. Vincent, est-ce que t'es prêt à nous faire une petite analyse de la deuxième mi-temps? Je sens que t'as envie de bouillonner, là. Non, en vrai... En fait, le premier match, pour moi, il était... On s'est fait juste rentrer dans la gueule, en fait. On n'était pas prêt à jouer, en fait. En fait, les Canadiens, ils nous ont juste explosé physiquement. On n'a pas tenu le rythme physiquement. Mais après, il y avait un peu une alerte parce qu'en fait, on en a pris 30 quand même. Mais le Canada, c'est une bonne équipe de basket, en fait. On n'a pas réussi à stopper Shai. Shai, il a fait une deuxième mi-temps. À la mi-temps, je crois qu'il était à 4 points et finit à 27. Hein. Donc, Il commence dans le troisième quart. Dans le troisième quart, il commence par un truc du genre. Exactement. Il met un run de 10-0 avec un 3 points de Dylan Brooks en ouverture. Et en fait, du coup, on ne peut pas défendre. Enfin, sur lui, on ne peut pas défendre. Il nous a fait la misère. En plus de ça, nous, offensivement, pour un mi-temps, on tient la route parce que Evan Fournier fait une grosse pour un mi-temps. Il est à 19 points à la mi-temps. Sauf qu'en deuxième mi-temps, ils envoient au charbon les Lugens Dort, les Dylan Brooks qu'on a l'habitude de voir en NBA, qui sont là pour les missions défensives, machin. Les arbitres ont laissé assez jouer. On a vu Nando Docolo au début de match, là, qui avait Dylan Brooks sur la tronche, qui prenait des coups, machin, ça sifflait pas. Et Nando Docolo, et moi j'en reparlerai de ça, mais il a passé son temps, il a passé sa Coupe du Monde à pleurer. C'est une aberration. Moi, ça m'a saoulé vraiment. Et en fait, du coup, on leur a mis des mecs. Fournier, en deuxième mi-temps, il met 2 points parce qu'il a des mecs qui sont sur sa tronche H24. Il n'a plus d'espace. On n'a pas réussi à trouver des solutions. Hormis Fournier, qui nous a tenu la barre en première mi-temps. En deuxième mi-temps, quand il a été défendu, eh ben, on n'a pas pu trouver de solution en attaque. On n'a pas alterné. On n'a pas réussi à ramener la balle intérieure. Et au final, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est moins 30 parce que les Canadiens, ils nous ont explosé sur l'intensité et dans le basket. C'est tout. Donc, moi, je me suis dit, après, voilà, 30, c'est beaucoup. Mais au vu du match, on méritait que ça. Et derrière, ah ouais. On parlera des matchs d'après. Mais... Ouais, clairement. Mais sur le premier match, en fait, moi, j'ai pas... je me suis pas dit, on va tant tirer la sonnette d'alarme tant que ça, parce que le Canada, c'est une grosse équipe. Ils nous ont explosé physiquement, mais ça laissait quand même pas bon présage pour la suite. Vas-y, Rémi. Moi, pour moi, ce match-là, c'était un peu une double révélation. Première révélation, on a vu que le Canada était meilleur que ce dont on pensait. On les a clairement sous-estimés. Enfin... L'équipe de France les a sous-estimés et tout le monde, tout public savait que le Canada allait être bon, mais moi, perso, je ne les voyais pas non plus à ce niveau-là et c'était vraiment très bon. Et en plus de ça, grosse désillusion de l'équipe de France. Il n'y a pas de schéma offensif, on se base sur notre meneur, mais malheureusement, dans Dondokolo, j'adore, on commence à avoir des limites, ça fait vieux. Et ouais, on en prend 30, c'est mérité, rien dans le bide. Ouais, et moi, clairement, ce match-là, après, m'a fait peur pour la suite. Moi, ça m'a fait peur surtout parce que tu dis on n'a pas réussi à défendre Shai, mais on n'a pas essayé de défendre Shai en fait. Il y a tellement de situations où juste sur un pic, on sort pas. La balle, il y a un rebond. Déjà, le rebond défensif, faut faire un truc là. On a des géants de 2m16, il n'y a aucun rebond qui sont pour nous. SGA, Shalgeus Alexander, il en prend plus que quasiment. Bah, il en prend plus que nos deux pivots réunis. Donc il y a un problème, c'est pas normal. On ne fait pas d'écran de retard sur les rebonds. Seconde chance, on sort pas sur les shooters et il suffit d'une extra passe pour que le mec il ait une place pour tirer genre de 3 ou 4 mètres. C'est pas normal. Et quand la passe arrive, les mecs se regardent et en mode bah c'est à toi d'y aller frère. Mais non gros, tu vois que ton pote est en retard, t'y vas, tu cours comme un dératé et tu vas défendre le shoot. Et après derrière ça tourne. Mais non. Et ça a été un problème qu'on va voir sur les 3 rencontres suivantes. On n'arrive pas à défendre, alors pourtant, de base, c'est notre identité défensive. Et du coup, je mets en lumière, ou plutôt je tire sur Rudy Gobert, qui pour moi est horrible à ce niveau-là. Alors que déjà, offensivement, c'est compliqué, parce qu'on le sait, mais ça fait plusieurs compétitions. Si en plus, défensivement, il n'est pas utile, qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Qu'est-ce qu'il fait là? On prend Rudy Gobert qui n'a pas de main, alors que, on le sait, mais derrière, si en défense, c'est taf, on s'en fout. Ouais, désolé, je suis parti. Derrière, le choix suivant, c'est de prendre Mousfal. Mousfal, qui, en Euroleague, est indéfendable et trop fort. On le prend, mais on le sert pas. On lui donne aucun ballon dans de bonnes conditions. Si on lui donne la balle, il y a des mecs qui coupent dans tous les sens, on lui laisse pas la place de jouer. Au bout d'un moment, si ton schéma de jeu, c'est pas de mettre la balle à l'intérieur, prends pas des mecs de ce registre-là. Va chercher des mecs un peu plus all-around, peut-être plus petits, qui peuvent jouer en faisant plus de passes. Je sais pas, par exemple, tu vois, c'est con, on se prive de Vincent Poirier à la place de Mathias Lessor, alors que Mathias Lessor a été blessé sur toute la préparation, alors que Vincent Poirier a plus ce registre où il peut plus lâcher la balle, peut prendre son temps. En plus, il a un petit shoot à mi-distance. On se prive des mecs comme ça, et tu prends 2 grands qui savent rien faire en attaque. Et là, c'est un problème. Nico ? C'est quitter 2 grands qui savent rien faire en attaque, parce que pour moi, il y en a qu'un en équipe de France. C'est juste que Mousfal, il est hyper mal utilisé. Oui, c'est ce que je dis. Donc, il sert à rien, là. Pour le coup, oui, mais moi, surtout, ce qui m'a complètement halluciné, c'est l'absence de réaction qu'on a eue à l'impact physique qui a été proposé par les Canadiens. Ouais. Parce que on commence, je crois, par un 7-0 ou un truc comme ça dès le début du match. 9-0 même, je crois. Voilà, 9-0 ou 7-0, crois, ouais. Un truc comme ça. Et là, Canada, ils ont dit, bah de toute façon, notre plan de jeu, c'est de nous rentrer dedans. Ouais, mais... Donc ils nous ont rentré dedans. Comme on a dit, nos arrières, donc Fournier, super bien gardé, qui a eu du mal, mais qui a quand même été... qui a eu beaucoup de réussite, donc très bien. Il nous tient en première mi-temps, mais ça cache complètement la forêt. De Colo, absent. À pleurer, on a dit, tout le temps en train de regarder l'arbitre à chaque contact, sachant qu'il a bien vu que ça allait pas siffler en fait. Et moi, ce que j'aurais aimé comme réaction, c'est que l'équipe de France, au lieu de pleurnicher et de se désolidariser comme il y a eu, bah de faire pareil en fait. Moi, je me rappelle des années Boris Diaw, quand on se faisait marcher dessus par l'Espagne, il y avait de la grosse faute pour réveiller tout le monde. Là, il n'y a pas eu ça. Tu montres ce que tu as dans le bide. Et en fait, on a, comme tu as dit, Guillaume, on a été hyper absent sur les aides défensives, mais ça n'arrivait pas avant. Non. On avait la grippe avant. Mais même, sur, même avec un effectif quasiment similaire, on, là, sur les compétitions d'avant, on savait défendre. Donc, on est plus faible pour défendre les postes extérieurs quand même cette année. Ouais, bah, on a perdu savait. Franck. Ça, on le savait que la perte on de Franck savait. En prépa, ni, ça allait être un... Ni Franck ni Albici, ça, on le savait. Mais c'est surtout, on s'est laissé marcher dessus, quoi. Zéro réaction. Et au lieu de se réveiller et de rentrer dedans, bah, en fait, on s'est regardé en disant bah, tiens, c'est ta faute. Ouais, ça, c'est ça, exactement. Faute. Et du coup, ouais. Enfin, c'était vraiment en fait, un match bien mauvais. Et si en fait t'en prends 30, mais que tu t'es battu comme un chien et que t'as mis les coups, bah au pire, bah, t'as montré du caractère. Et au match d'après, voilà. Tu fais pas le même match. C'est ça. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Ouais, là, c'est surtout ça. Ouais. Parce que là, c'est si match d'après. Parce que quand t'en prends 30, dans tous les cas, tu repars avec le moral dans les chaussettes. Hein. Ouais, c'est clair. Nico, si Fournier nous sort pas à la première mi-temps qu'il nous a sorti, il y en a 60-70. Parce que derrière, en deuxième mi-temps, on a fait que tirer à 3 points. Ça ressemblait à rien. Sur l'ISO, ouais. C'est même pas sur c'est pas notre jeu, ça. C'est pas notre jeu. Il n'y a rien qui ressemble à l'équipe de France. En fait, moi, le problème aussi, c'est la mentalité, en fait. En fait, ouais. Avant, on avait des leaders. C'est-à-dire que je reviens en 2000, là, je reviens un peu en arrière, je reviens 10 ans en arrière, parce que 2013, par exemple, quand on est champion d'Europe, ouais, on avait des leaders qui montraient l'exemple. C'est-à-dire que les leaders, c'était qui? C'était Boris Diaw. Flo Pietrus. Ouais, Flo Pietrus, ouais, c'est des mecs, Flo Pietrus en fait, c'est des mecs comme ça. Là, les leaders, c'est qui? C'est Batum, Gobert, Fournier. C'est ouais, des Fournier mecs. Aussi, ouais. Gobert, c'est qui? C'est un mec qui prend 40 millions. C'est le mec, le joueur le plus payé du mondial. C'est le mec. Gobert, qui je pense que c'est un peu le leader défensif du mondial. Alors que pour moi, c'est pas du tout un leader. Non mais c'est alors absolument. Le leader défensif, ok, mais en fait, en Europe, c'est totalement différent parce qu'on joue beaucoup plus de pick and roll et en fait, sur les pick and roll, quand on voit. Nous, nos choix sur pick and roll, bah en fait, c'est cata. Parce qu'en fait, soit Gobert, il peut pas changer sur pick and roll. Donc, c'est soit tu changes, et du coup, c'est un petit qui se retrouve sur Gobert. Et il le drive à chaque fois. Et du coup, il ne sert plus à rien parce qu'il est même plus en dissuasion de cercle. Soit on change pas, et dans ces cas-là, on laisse des tirs ouverts. Parce que là, je pense que du coup, on peut faire une transition, parler du match de la Lettonie. On peut y aller tout de suite. Hein. Ouais, de toute façon, on va le faire dans l'ordre. Vraiment, la défense du match contre la Lettonie, ça a été ça tout le match. C'est-à-dire que soit. C'est un scandale. C'est pick and roll, parce que leur petit meneur, la Zagars, là, qui ressemble à rien, qui est tout petit. Mais par contre, vraiment, bah, il met 22 points, voilà, il a des pourcentages très hauts, il a 83% au tir. Et en fait, il jouait juste parfaitement. C'est-à-dire, le mec, il prenait des pick and roll, ça switch sur Gobert, vas-y, je m'écarte, je prends un peu de vitesse, boum, je te mets un layup sur la tronche, Gobert, tu peux pas me tenir, ok. Normal. Et en plus de ça, du coup, dans la dissuasion, il est même plus là. Et en plus, il n'y a pas d'aide derrière. Il n'y a pas d'aide. Et sur les trucs où on ne changeait pas, bah, les mecs, les laitons, vas-y, laisse-les shooter. On va se marrer. Bah, les mecs, c'est des malades du shoot. Les mecs, ils prennent 40 tirs à 3 points par match. Ils arrivent, bam, bam. Bah, là, contre nous, ils prennent 35 tirs à 3 points. Ils font 40%, 14 sur 35. C'est propre. Hein, les mecs, on les laisse ouverts. Bah, les mecs, ils vont pas se priver. Hein. Moi, ce que je comprends pas, c'est les choix sur ce match. Tu sais que les Lettons, c'est une équipe de shooters et qu'ils n'ont pas un grand Golgoth en bas à servir. C'est des mecs, ils courent et ils shootent. Pourquoi, quand tu connais l'équipe, c'est pas comme si c'était la première fois que le coach jouait au mondial, tu vois. Depuis 2009, il est là, Vincent, hein, collé. Pourquoi, ouais, quand ça, tu joues, on parle aussi de lui. Pourquoi, quand tu joues contre une équipe comme ça, tu adaptes pas, même si au début du match, tu peux avoir tes convictions. Très bien. Pourquoi tu t'adaptes pas? Pourquoi tu mets pas un mec plus mobile? Pourquoi tu... En fait, s'il faut pas faire jouer Gobert, on le fait pas jouer. Ouais, d'ailleurs, Gobert sur le match de la Lettonie, il joue pas tant que ça. Bah, disons 20 minutes. Gobert sur le match de la Lettonie. Ah si, 26 minutes quand même. Ah ouais, 26 minutes. Pour moi, là-dessus, limite, faut faire jouer Mathias Le Sort beaucoup plus. Bah oui. Un gars qui peut aller défendre, qui peut plus gêner. Attends. Là, je suis sur le box score du match contre la Lettonie. Vas-y. Yakuba Ouattara n'est pas entré en jeu. C'est un exemple, hein. Mais ouais. Ça, c'est un mec qui est capable de défendre sur des mecs qui sont sur des lignes extérieures, en fait. Là, nos extérieurs, ils sont incapables de tenir un duel dans un contre un. Incapables. C'est-à-dire que là, on peut tirer sur tout le monde. Okobo, il n'est pas capable de tenir un duel. Okobo, il n'est pas capable de tenir un duel. Fournier, il n'est pas capable de tenir un duel. À la limite, Terry Tarpey est capable de tenir des duels un peu défensifs. Malheureusement, il ne peut pas défendre sur 5 joueurs en même temps. Ah bah non, okay, c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'en fait, les mecs, ils sont tellement dans le flip de prendre des drives qu'en fait, on reste trop loin des mecs. On n'est pas capable d'aller chercher les mecs, d'aller leur mettre de la pression, de les forcer à driver, alors qu'en plus de ça, contre une équipe comme la Lettonie, limite, tu te fais passer, c'est pas grave. Parce que, mais, oui, mais, C'est tu ça, prends pas derrière... trois points, fais-toi driver, derrière t'auras les aides de rotation défensive, et là Gobert il servira à quelque chose. C'est exactement ce que je voulais mettre en lumière quand je disais le manque de choix. Force-les à aller à l'intérieur et à se faire massacrer. Derrière par contre faut quand même défendre. Si tu défends pas, bah ok, c'est layup easy. Mais les laisse pas shooter. C'est incompréhensible. Quand on voit tout simplement, encore une fois, un problème de rebond. On en parlait tout à l'heure, avant l'émission, le panier de Davis Bertans, qui prend son propre rebond offensif, qui ressort à 3 points, et il est tout seul, il envoie une filoche. Non mais c'est bon. C'est honteux de voir une équipe qui se prétend contender sur ce genre de compétition être aussi mal embarqué, aussi mal, même dans l'implication. C'était horrible ce match. J'ai gueulé pendant tout le match devant ma télé. C'était un calvaire. Et en fait, quand tu veux pas jouer au basket, quand tu veux, comment dire, quand tu es sans solution, c'est exactement ce à quoi tu ressembles. Et l'équipe de France nous a montré qu'en fait, et ça c'est les déclarations que Fournier a eues, effectivement, et ben en fait, aujourd'hui, l'équipe de France, elle vaut ça. Et c'est triste, c'est moche. Mais en attendant, elle vaut ça. C'est mauvais. Mmh. Alors, il y a les choix. Il y a la prépa, on perd des blessés, machin, ok. Ça arrive toujours. On sait que Franck, sur ce registre-là, bah, en fait, il est capable de planter des tirs. Mais par contre, en défense, c'est le premier à aller au charbon. Et il peut défendre 1, 2, 3. Et bah ouais, tu te prives d'un mec comme ça. Et malheureusement, bah, faut faire avec. Et il faut que tout le monde se sorte les doigts du cul. Oui, Nico. Je reviens vite fait sur le Gobert. Il a joué quand même 26 minutes. Ouais. Et ça, c'est l'obstination de Collet à vouloir jouer en attaque avec des grands. En plus, Gobert, au lieu d'être une tour de contrôle, fixation post-bas, relâché et tout, il va lui faire poser des écrans un mètre derrière les trois points. Il arrive lancé, sauf qu'il n'a pas de main, il ne sait pas faire. Et c'est une catastrophe. Et même sur les même quand il pose des pics, il flash. Enfin, le seul truc sur lequel il peut à peu près servir, parce que vraiment c'est une sur le alley-oop en attaque. C'est sur le alley-oop. Mais frère, pose des pics, roll au cercle, ok. Ou même limite, toi, pose pas les pics en fait. Reste dans la baseline là en bas là. Bah oui. Poste bas là. Va faire monter Gerson qui pose des pics, parce que Gerson lui, contrairement à Gobert, sur du pick and pop, il peut ressortir sur pour prendre des tirs à trois points tout ça. Et du coup, ça va créer du jeu. Et derrière, Gobert, peut-être que sur les aides, si on trouve des solutions sur le pick and roll, si ça switch, machin, que les petits, que les Van Fournier, que les Nando De Colo, ils arrivent à driver et derrière faire des différences, bah les mecs, s'ils aident pas, bah c'est à nous de finir et d'aller chercher les paniers à deux points. Si les mecs, si les grands qui défendent sur Gobert, ils viennent dans les aides, lance-la en l'air, il va attraper la balle. Enfin, il va te le mettre. Sûr, essayer, même pas sûr, mais essaye au moins. Et après, il claque tout dans le cercle. Mais ça, on ne l'a pas fait une seule fois. Et par contre, on s'obstine à tirer à trois points, à donner la balle à Fournier quand il reste 10 secondes, à faire des step back, des machins. Fournier, il prend 10-3 points par match. Alors, il en met, hein, il a eu de la réussite hein, sur le tournoi, on va pas se mentir. Enfin, sur les 3 premiers matchs, il a eu quand même de la réussite. Ça reste un bon shooter. Ça reste un bon shooter, mais ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Et notre leader, c'est un mec, ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué en NBA. Donc, on a beau dire, mais ça joue. Et au final, il prend des shoots compliqués. Enfin, et pourquoi il n'y a pas de solution autour. Mais c'est ça en fait. Le souci, c'est qu'en fait, même contre le Canada, on se fait défoncer physiquement, on n'arrive pas à poser notre jeu, tout ça. Ok, ça se comprend. La Lettonie, je suis désolé, ils n'ont pas défendu dur. Ils n'ont pas défendu dur, et pour autant, on n'a pas réussi à placer notre jeu. Je suis désolé, hein, la Lettonie, ils n'ont pas de grand babar et tout. On n'a pas filé une seule fois la balle à l'intérieur. Gerkan Yabusele, on peut regarder les matchs. Comptez combien de fois il va jouer des post-up, et ben ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Alors que je pense que dos au panier, post-bas, va chercher le tonton qui va l'éteindre. Mmh. Ouais, c'est clair. Et je ne comprends pas. Peu importe, si c'est un mismatch, bah, il l'enfonce physiquement. Si c'est un grand, il le passe de vitesse, parce que Gerson, en plus, il a des mains. Il a vu des belles finitions. Il est rapide latéralement. Il est costaud, il peut prendre les contacts et tout. Il a du move. Je comprends pas que ce soit pas utilisé. Ouais, puis s'il y a un deuxième qui vient l'aider, du coup, ça te sort un shoot ouvert. Tu voulais dire je voulais en tenir sur le match contre la Lettonie, là, parce qu'il y en a qui vont dire comme quoi l'exclusion de Colo à 5 minutes de la fin, il joue pour beaucoup. Et c'est vrai, ça, on ne pourra pas refaire l'histoire. Peut-être que le match serait différent. Peut-être que le tir de Francisco, si c'est Nando qui le prend, peut-être qu'il est dedans, tu vois. Ouais, bah clairement. Mais même au moment où Nando il sort, on est à plus 10, je crois. Il reste 5 minutes. Ouais. Un truc comme ça. On s'est effondré. Et on s'est effondré, c'est clair. Alors il y en a qui vont se plaindre sur l'arbitrage et tout. Même sans ça, en fait, t'es censé montrer ce que t'as dans ton ventre, t'es censé, question d'honneur et tout, ok, l'arbitrage nous a peut-être foutu en l'air ça, mais vas-y, continue de te battre, et la fin du match, là, les Tony, comment ils reviennent, c'est pas normal. Genre, limite, on les a dit, bah les gars, revenez, il n'y a aucun souci, en fait. Et après, on est en mode, ouais, Francisco, il a raté le shoot. Ouais, mais le problème, il vient pas de Francisco, en fait. Ah bah non, c'est avant. Les 5 dernières minutes où vous n'êtes pas battu parce que, enfin, sans compter les 40 premières minutes du match, hein. Oui, mais genre sur les 5 dernières minutes, fais l'effort de sécuriser, tout est bon. Ouais, laisse pas de deuxième chance. T'as 10 points d'avance. Même dans les 5 dernières minutes, quand les mecs reviennent. Et même quand ils reviennent, tu sors toujours pas sur les shooters. Ouais. fais l'effort 5 minutes dans le match, gros. Tu veux le gagner, tu veux le qualifier ou pas, en fait. Ça me bouffe, moi. Ouais, Nico. Pour moi, l'arbitrage, comme a dit Rémi, c'est pas du tout une excuse. Alors oui, la faute, elle est discutable sur Nando et tout, c'est pas lui qui subit. Quand même, sur l'effectif, on a la moitié, voire les deux tiers, qui sont... Non, la moitié, ça va être des joueurs NBA, et l'autre moitié, c'est des top tiers, voire top quart Euroleague. Et t'as Terry Tarpec, qui est un monstre défensif, on le connaît, il a fait ses preuves de ouf. Et on joue contre les Lettons. Je connaissais aucun mec à part Bertens, tu vois, à part les frères Bertens. Ouais, là, c'est le jeu européen. Ouais, mais oui, mais justement, ils nous ont eu à ce jeu-là, mais c'est impossible qu'on s'y. Ils avaient la rage de vaincre. Et nous, voilà, on mais pas. Carrément. Nous, on a vraiment pété les plombs. C'est pas possible de s'effondrer comme ça. Et j'ai une petite anecdote quand même. Le petit Zagars, là, il a pas de contrat. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais il va trouver, hein, t'inquiète. Hein. Il va trouver, hein, mais... Il va trouver, je m'en fais pas pour lui, vraiment. Demande à un Letton, Nico, si ce que tu parles des joueurs NBA, des joueurs top tier Euroleague. Demande à un Letton s'il connaît Francisco, il te dira non. Mais par contre, c'est leur joueur à eux, il te dira oui, tu vois. Ouais, mais non, mais quand même, enfin... S'ils sont là, les mecs jouent dans des bons niveaux en Europe et certainement en Euroleague. Moi, je vais pas faire genre, j'en sais rien. Parce que l'Euroleague, je la regarde pas. Je regarde quelques matchs quand il y a les phases finales, mais c'est tout. Donc, j'ai pas forcément chaque club en tête des joueurs lettons. Mais ils ont le niveau pour être là, tu vois. Donc, faut pas comparer les joueurs. Regarde, à ce moment-là, Rudy est en NBA, meilleur contrat de tout le tournoi, mais c'est une bille. Ouais, bah, par contre, ça, c'est vrai. Ah, c'est une énorme chose. Bah, eux, c'est des joueurs FIBA et pas nous, apparemment. Bah, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait pas des bons de réduction pour aller acheter des mains à Rudy Gobert? Je crois qu'il en a besoin. Ah, mais les mains, il les a. Il y a les gants de boxe autour. Même les mains chez Action. Après, il faut peut-être lui dire qu'il faut enlever les gants de boxe. On lui a dit peut-être 40 millions la saison, faut pas que j'abîme mes mains, je mets des gants de boxe pour être sûr. Ah non, en fait, enlève-les, en fait, gros débile. Terrible, ça. c'est n'importe quoi. Ouais, Rémi. Moi, il y en a un autre sur lequel j'ai envie de tirer, là. J'ai envie de mettre une balle aussi sur un autre, parce que clairement, je pense qu'il faut en parler. Ouais, je vais citer ce qu'il a dit. Le match est allé vers l'équipe qui en avait le plus envie au global. Eux, ils étaient possédés, même en difficulté, ils n'ont jamais renoncé. Blablabla, blablabla, bla, bla, ils ont été meilleurs que nous, on peut que pleurer, on a été mauvais. C'est quoi cette réaction de coach? J'ai l'impression de voir Doc Rivers. C'est un lanceur. Bâtard. La balle perdue pour Gus. Désolé, mais normalement, t'es coach, t'es censé dire « Oui, on a fait de la merde, on se rattrape au prochain, on n'en a rien à foutre. » Enfin, j'en sais rien, mais c'est quoi cette réaction, là? Alors, ok, je comprends, t'es déçu et tout, tu t'es éliminé du mondial et tout, enfin, forcément, t'as le seum, c'est normal. Mais vas-y, putain, moi, le Vincent Collet, là, j'ai un vrai problème. Tout à l'heure, t'as dit qu'il était là depuis 2009, c'est ça, Vincent ? 2009. À un moment, Vincent, il arrive sur ses matchs, il a ses schémas qui sont préparés, il y a zéro adaptation en match, zéro. Il y a des joueurs, il les fait pas jouer comme on a parlé, alors qu'il y en a qui méritent leur minute. Alors que pourtant, il y a vraiment deux systèmes sur son carnet. Balle à Fournier et donner la balle à Fournier. Non mais... Non mais... Il y a des vrais problèmes. En plus de ça, j'ai l'impression que les trois quarts de ces schémas, ils sont tournés en très grosse partie autour du meneur. Je pense normal, vu qu'on avait Tony Parker dans les années 2010. Il est plus là. Maintenant, faut s'adapter, en fait. Faut plus compter sur un meneur. Ce sera pas toujours un meneur qui va lider l'équipe de France. Et là, en l'occurrence, en fait, ça nous a porté défaut de ouf. Parce que Nando De Colo, j'adore. Enfin, là, on a vu les limites. Vincent, adapte-toi. Merde, fais un truc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, en fait... Après, Nando, on sait de quoi il est capable en soi. Hein. Juste là, il a rien montré parce que il était pas dans le tournoi, il était là pour gueuler sur les arbitres, donc forcément. Ouais, mais c'est... ouais, et puis même il a 36 ans, là on commence à voir qu'il commence à vieillir de Colombie. Non, mais il a 36 ans et c'est pas son poste de prédilection là, mec. Oui, c'est ça. Non, non, ça, c'est... En fait, il a toujours été 2, alors là ça fait plusieurs années qu'il joue 1-2, qu'il joue combo un peu. Mais pour moi, c'est un mec que là, actuellement, c'est un mec que tu fais sortir du banc en fait. Ouais, mais c'est ce qu'on se disait en off. Tu le mets en leader de la seconde unité. Étant donné. Non, mais en plus de ça, le truc c'est que là, dans le 5 majeur, dans le 5 majeur, t'as Nando De Colo. Il défend pas. Evan Fournier, il défend pas. Nicolas Batum, il défend pas. Gershon, Nicolas Batum, je suis désolé, Nicolas Batum, c'est pas un il défend pas sur l'homme. Sur le tournoi, il a c'est pas bien défendu. C'est un mec qui va être dans les aides, qui va mettre des contres sur des chest down, machin, qui va revenir et tout. Mais sur l'homme, bah, je suis désolé, il a pas montré que c'était un gros défenseur. Après, oui, pas il était pas, Nico, il prend de l'âge. Il a pas été très bon, mais en bien sûr que pour moi, Nicolas, c'est un bon défenseur. Mais là, sur le tournoi, il a pas montré que c'était un bon défenseur. Non, c'est vrai. Donc là, ça nous a aussi porté défaut. Gershon Yabusele, pour moi, il a fait son taf. Et Rudy Gobert, pour moi, il n'a pas été au niveau où on doit l'attendre du Rudy Gobert, en fait. Ah, mais c'est ça. Parce que Rudy Gobert, c'est 3 fois un défenseur de l'année en NBA. 2 fois 3 fois 3 fois. 3 fois. Et le mec, bah, en fait, dans la compète, il est cata, quoi. Parce qu'en fait, dans le jeu européen, il ne peut pas jouer, en fait. Il ne peut pas jouer. Parce que, ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les pick and roll, il ne peut rien faire. Et au final, en attaque, il ne sert à rien. Donc, en fait, limite, j'ai envie de dire, Rudy Gobert, quand il y a des Coupes du Monde, reste chez toi. Vraiment. Blesse-toi, ou je ne sais pas, fais un scrabble, je ne sais pas, avec ta tante. Mais viens pas, vraiment. Genre, sois malade, vraiment, toute l'année. Vraiment, ouais, c'est terrible. Et puis là, vu la prestation, je pense qu'il n'y a aucun fan de basket qui a envie qu'il soit là aujourd'hui. Qui va dire, oh là là, il n'y a pas Gobert, mince. Mais non, mais en plus, il avait annoncé qu'il ferait peut-être ça. Pas la Coupe du Monde, à un moment. Ça aurait pas été mieux, parce que c'est pareil. Tu mets Gobert, donc tu prends Gobert, le mec, c'est le mec le plus payé de toute la Coupe du Monde. Même Luka Doncic, le mec, il prend pas autant d'oseille. C'est bon pour toi ? Pas encore. Et alors que pourtant, oui, bon, oui, ça ne serait tardé. Mais... Et au final, Gobert, du coup, forcément, bah, collé, bah, on va pas se mentir, mais c'est de la gorge profonde. Hein. Donc du coup, Mustapha Fall, il se retrouve à être en sortie de banc. Qui te dit que si Mustapha Fall n'était pas dans le 5 et qu'il était en confiance, eh ben il ne nous défoncerait pas tous les intérieurs des équipes en face. Mais c'est sûr avec que Dessy, si on fait du bois dans tous les cas. Hein. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, avec Dessy, on fait le monde. Mais je veux dire, moi, pour moi, Gobert, c'est un énorme problème en équipe de France. Mais vraiment, et je resterai sur la position. Déjà, à partir du moment où quand tu n'as pas de main en basket, c'est chiant. Alors, mais c'est vraiment, aussi un problème c'est... dans une équipe de NBA. Oui, non, on en parlera plus tard. Ce sera pour les previews, ça, je pense. Nico, ouais. Tu voulais intervenir ? Moi, je suis persuadé, ce qu'a dit Vincent, c'est très juste, c'est que Mousfal, tu le mets dans les conditions de jeu et de système qu'il a... Il a en Euroleague. À l'Olympiakos. Mais c'est fini. Il démonte tout le monde. Et il va attirer en plus tous les joueurs. Et derrière, il a le jeu de passe qu'il faut pour trouver les extérieurs ouverts et tout. Il est malin, en plus. Mais oui, mais oui. Et c'est triste de le voir comme ça, quoi. Je sais plus quel match, il a joué 6 minutes. C'est quoi ça ? Bah, contre la Lettonie, il joue 5 minutes 25. Le mec, il est finaliste Euroleague. Gobert, il en touche pas une du match et tu le fais jouer que 6 minutes. Mais alors qu'en plus, la Lettonie, ils n'avaient pas de grands capables de. En fait, Smith, leur intérieur, il sortait beaucoup. Il était beaucoup à 3 points et tout. Je pense que c'était plus pour ça que Vincent, il l'a pas fait trop jouer. C'est pour défendre. Parce que c'est pareil, pour défendre sur les extérieurs, Mustapha Fall, c'est un peu plus compliqué. Encore pire que Gobert. Situation. Mais dans la dissuasion, moi je comprends pas pourquoi on fait pas des zones match-up, des trucs. Enfin, ça s'adapte pas, tu vois. Enfin, c'est... Parce que Mustapha Fall en Euroleague, quand il joue poste bas, tu lui donnes la balle poste bas, c'est soit 2 points, soit faute, s'il y a du 1 contre 1. S'il vient trapper, c'est passe des. En gros, hein, c'est à peu près ça. C'est un peu l'idée. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est... Ou en tout cas, il y a shoot ouvert, quoi. Oui, c'est ça. Donc au final, genre, il est à 2-18, il a des vraies mains. Sur son attrapé reverse, là, il est vraiment très très fort là-dessus. Il défonce toutes les raquettes d'Euroleague. Va chercher la balle là-haut. Tu peux rien faire. Et on lui donne pas la boule. On a zéro. En fait, c'est qu'on a vraiment eu zéro alternance dans le tournoi. C'est-à-dire qu'on a passé notre temps à shooter à 3 points. D'ailleurs, pas forcément des bons tirs. Il n'y avait pas de jeu. Forcément. On appelle ça mouvement de ballon. Pour moi, il n'y a pas eu de mouvement. J'ai vu que le ballon. Pas de mouvement. On n'a pas joué ensemble. Moi, je voulais juste, d'ailleurs, tu parlais de variation et tout. Bah, en fait, même défensivement, effectivement, pourquoi on n'a pas essayé ? On n'a pas vu une zone sur une action. Contre le Canada, on a fait zone vite fait. Ouais, mais genre, ça a duré 3 minutes. Minutes. Voilà, donc ça sert à rien. Pourquoi t'exploites pas ça, justement ? En plus, tu peux faire une zone avec un big en bas et tu te démerdes, tu fais une zone match-up pour qu'il n'y ait pas trop de shoot extérieur ou en tout cas contesté. Et au pire, bah, peut-être que ça lui permettrait d'avoir plus de rebonds, remarque. Parce que vraiment, je ne sais pas combien il a de rebonds sur le tournoi, mais pour un mec aussi fort de base. C'est Kelly Olynyk qui lui a pris les rebonds sur la gueule. Rebond total, Rudy Gobert, 8 rebonds par match. Oh là là. Ah oui. C'est une honte. Alors, et pourquoi justement, du coup, sur cette zone, pourquoi tu adaptes pas, par exemple, avec Mathias Lessor en big? Bah là, laisse tomber, la dinguerie. Je sais pas, les gars, il n'y a qu'une défense, en fait, pour eux. Il y a de l'indive. Il y a de l'indive, et surtout, consigne, laissez les shooters derrière les écrans. Nico? En défense aussi, ce que Collet aimait bien faire sur les précédentes campagnes, c'est de faire des boîtes, des semblants boîtes, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'il n'avait pas le joueur pour faire ça. Tu vois, sur le Canada, on aurait mis Francky et Terry en alternance, on aurait pu essayer de les gêner un peu plus. Et là, c'était pas possible parce qu'on n'avait pas assez de défenseurs extérieurs. Mais Ouattara, il a pas joué, il peut défendre. Mais... Non, Ouattara, il a pas joué. Bah, on les a pas vus, donc on n'a pas de défenseur pour moi. Ouattara, il défend. Mais oui, Ouattara, il défend. Et en plus de ça, alors par contre, ça va pas être un foudre de guerre en attaque, mais de une, il va défendre. Shoot, hein. Et oui, c'est ça, en fait. Tu lui demandes que... C'est un 3 and D. C'est-à-dire que le mec va se mettre le cul par terre pour défendre, et dans des positions de tir ouvert où il y a eu de la fixation des machins, en fin de chaîne, il peut mettre des tirs. On lui demande pas autre chose, en fait. Chose que faisait Mike Gelabal. Un peu dans le même style, exactement. Après Mike Gelabal, il y avait Tony Parker à la main, quoi. Ouais, et puis bon, il avait quelques moves aussi, Mike. Quand même. Et c'est ça le souci, en fait. Bah, t'avais pas le choix. T'étais dans une époque où les 3 points n'étaient pas aussi. C'est sûr. Collé. Et dans le registre, c'est ça. Il s'adapte pas à l'équipe où il est, en fait. Là, Collé, il s'adapte pas, en fait. Non, je suis désolé, mais Collé, il faut changer tout ça. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que Collé, il restera jusqu'au JO. Les gars, je veux juste qu'on avance un peu. Du coup, on s'est quand même sauvé l'honneur, lol, face au Liban. On en a chié, mais on a gagné. Donc on finit avec une victoire, on n'est pas qualifié, spoiler, hein, vu comment on en parle. On sera pas 32. Parce que vous avez bien compris, et je pense que vous l'avez tous vu. Potentiellement, on a plusieurs matchs à jouer pour du classement, donc en vrai, voilà, ça sert à rien. Entre 17 et 32. Hein. Tu peux regarder pour continuer à cracher, mais tu feras comme tu veux. Mais moi, surtout, j'ai envie qu'on se pose une grosse question. Qu'est-ce qu'on fait pour les JO de l'année prochaine? On vire Collet, on change de coach. Déjà, premier truc à faire. Je suis désolé, mais... Ça arrivera pas, le coach féminin. Je suis désolé, mais il faut que le staff... Après une campagne catastrophique aussi. Je pense qu'il ne changera pas. Ce sera son dernier. Pour moi, la fin de Collet, ce sera après les JO, comme annoncé. Il n'y aura pas de... Bah, c'est une erreur. Nico? En tout cas, pour l'instant, Collet, il n'est toujours pas confirmé par la Fédé. Oui. Pour les JO? Au jour d'aujourd'hui. Pour l'année prochaine. Ok. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient rouvrir le dossier Collet et voir ce qu'ils allaient faire. Je pense que va y avoir. En plus, là, il y a eu des sorties en conf de presse et tout. Il y a des trucs qui sont pas dits dans les. Ah mais c'est sûr, le groupe a un problème. Il y a un gros problème. Là, la sortie de Batum à la fin du match contre les Lettons, là. Ah, mais oui. Ouais. Il a envie de dire tellement de trucs, mais il peut pas. Ouais. Il peut pas. Même Gobert, à un moment, il a sorti. Il y a un truc que je le dirai pas tout de suite, en gros. Il a dit un truc comme ça, qu'en gros, il y avait des choses qui allaient pas et il allait pas en parler tout de suite. Parce que c'était par ailleurs, je reviens sur Gobert qui, première phrase, se cache derrière l'arbitrage. Moyen, non, pour un leader. Je suis désolé, non. T'en parles, tu l'évoques dans ton interview de fin de match si tu veux, mais tu le mets pas en première phrase. Le truc le plus important, c'était pas ça. C'est que vous êtes pissé dessus. Enfin bref, je te laisse finir, Nico. Pardon, je t'ai coupé. Du coup, j'ai perdu. Pour Vincent, tu disais que Vincent n'était pas prolongé. Ouais, et que je pense qu'il va y avoir. Il y a intérêt. Est-ce qu'il y a une grosse discussion avec les cadres de l'équipe? Déjà, il faut recentrer qui sont les cadres de l'équipe. Oui, parce que c'est, même ça, on n'en est plus sûr. Bah ouais. Ouais. Mais ça va être du Wemby, ça va être non, mais Wemby, c'est pas un Wemby, il fait pas encore partie de l'équipe comme ça. Hein, ouais, mais quand tu vois Wemby, ça va être notre notre leader entre guillemets dans le sens où dans 2 ans. C'est lui qui aura le plus de ballons, ça c'est sûr. Non, je dis pas que c'est un cadre, mais je pense qu'il aura son mot à dire aussi dans la discussion parce qu'il va rentrer là. Maintenant, il va se lancer en EDF, c'est sûr. Oui, mais pour moi, les cadres, c'est pas ça. C'est les mecs qui ont l'expérience. Pour moi, les cadres. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas du... Pour moi, les 4, c'est celui qui peut se permettre de taper du poing sur la table. Ouais. Pour moi, t'as Nico, qui est capitaine cette année. Ouais. Nico, qui a l'expérience, qui a joué avec Tony, qui a... on va pas compter ses années en équipe de France, mais le gars a le passif. En dehors de ça, t'as Evan, qui a été capitaine quand Batum n'était pas là. T'as Rudy Gobert, en soi, il a l'expérience avec l'équipe. C'est un cadre. Mauvais, mais un cadre. Et en soi, c'est tout. Moi, je vois que ces trois-là. Hein. Nando. Ah, t'as Nando. Le colo, Nando, ouais, oui, pardon, oui, j'ai oublié Nando, c'est vrai. Mais à Nando, quand même. Moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est qu'en fait, on change pas les choses. En fait, on change pas les choses, qu'on aille au JO avec cette équipe-là, qu'on meure avec cette équipe-là au JO. Et qu'après, on peut pas faire ça à Paris. Non, ouais, mais mort. Le truc, c'est qu'en fait, avec le slip sale qu'on vient de se retrouver avec le mondial, là, on peut pas se permettre de le jouer. Ouais, mais ils vont pas se prendre. Moi, pour moi, ils prendront pas de risque de repartir déjà avec du neuf. Alors que pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Les Bilal Koulibaly, les Wembley. Koulibaly, tu le ramènes direct. Tu gardes, tu donnes ta chance. Tu gardes tes gars là. Vous verrez, enfin, moi, j'en ai peur, j'espère pas. Hein. Mais pour moi, Collet, il sera encore là. Fournier et cette génération-là sera encore là pour les JO 2024 et ça finira là. Et derrière, après ces JO, là, on repartira avec des joueurs plus jeunes qui vont, voilà, et les cadres, ça sera les Gershon et voilà. Pour moi, les cadres, les quatre à qui tu dois ces JO à Paris pour leurs années de service, c'est ceux qu'on a cités. Nando, Evan, Rudy et Nico. T'es obligé. Les JO à Paris. Ah, bien sûr. Ils sont là depuis 10 ans en plus pour certains. Ils doivent être là. Mais derrière, par contre, t'enlèves toutes ces conneries-là, et oui, tu vas prendre du Wemby, tu vas prendre du Bilal Koulibaly, tu vas me chercher un Killian Hayes qui a faim, parce que le gars, en NBA, il doute un peu. Tu gardes Franck, parce que Franck, quand il est là, incroyable. La prépa de Francky, on n'en parle pas assez, mais la prépa de Francky, il était insane. Incroyable. C'était le meilleur joueur sur le terrain. C'était le meilleur joueur sur le terrain. On ne peut pas se passer de Franck en équipe de France. Exactement. Et quand il n'est pas là, ça se voit tout de suite. C'est un profil qu'on n'a pas. Tu gardes du Gershon. Okobo, ça dégage. Je veux plus le voir en équipe de France. Apparemment, en plus, avec apparemment ce qui s'est dit, au temps mort, comme quoi Vincent a dit à Sylvain sur le temps mort à la télé. Ouais. Du coup, c'était le moment où le temps mort était de notre côté, qu'il fallait pas écouter Eli parce qu'Eli avait pas envie de jouer. Alors, je remets des guillemets. Vous voyez pas évidemment puisque vous êtes en train de nous écouter. Mais apparemment, il aurait dit ça. Ça peut être manipulable vu le bruit dans la salle. Il y en a qui disent, et moi c'est ce que je comprends quand j'entends, ne fais pas comme Eli, le joue pas, il veut pas le jouer. En parlant de son opposant défensif. En parlant du mondial. Peut-être en fait. Peut-être et du coup, c'est rien au même. Et du coup, c'est la même chose. Gardez votre idée, c'est très bien. Soyons haineux un peu et aigris. En tout cas, Eli Okobo, je veux plus le voir. Mathias Lessort, en vrai, pour ce qu'il a apporté, ça peut être un pivot de rechange en fond de banc, ça peut servir. Oui. Mais à part ça. Bah, y a des gars, ils ont pas joué, on peut pas trop juger, mais du coup, Ouattara, tout ça, pas la chance, ils ont pas les minutes. Peut-être que là, ils vont jouer parce que du coup, apparemment, Vincent va faire tourner pour faire prendre aux jeunes. Donc, ça se trouve, là, on va avoir sur les deux matchs de placement des choses intéressantes sur ces mecs-là qui peuvent potentiellement donner quelque chose d'intéressant là-dessus. Tu vois. Mais en soi, pour moi, je vois pas il faut que les 8 que je viens de citer soient les gros cadres. Et les mecs qui seront là en fait au JO pour avoir une équipe qui a envie de jouer et qui est surtout des qualités. Parce que là, il faut renouveler en fait. Et derrière, après les JO, on oublie la génération Fournier et on repart sur des basses scènes autour de Wemby et on démonte ça. Et Bilal. Oui, Bilal, évidemment. Et là, le grand absent pour moi, à la place, enfin, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais on va se retortiner un Gobert en FIBA. C'est pas son truc, quoi. Là, on veut du Mousfal. Moi, c'est ce que je veux. À la place basket, c'est pas son truc à Gobert. Oh, arrête, quand même. Après, peut-être le voler. Il faut essayer hein, le bulle bokeh. Il y a plein de trucs. Hein. Il peut tester plein de trucs, mais arrête vraiment le basket. Alors, bulle bokeh, pareil, avec des gants de boxe, toujours très dur. Hein. C'est pas ouf. Cet été, Gobert s'est enfermé pendant plusieurs jours dans une salle dans le noir pour méditer. Et ben, en vrai, il aurait dû le faire pendant le mondial. Il aurait sans doute dû plutôt s'enfermer dans une salle de basket pour jouer, en fait. Ça aurait peut-être été mieux. Ça aurait pu aider. Parce que c'est bien beau d'enfiler des 3 points en prépa, mais bon, sur le terrain, là, on voit rien du tout. Il a geeké pendant tout son été, ouais. Mais Nicolas, je suis d'accord avec ce que tu dis. Malheureusement, peut-être qu'il faut donner la place importante à Wemby et à Mousfal. Rudy sera dans l'effectif. Mais j'ai pas envie. On lui doit. Le match qu'il a fait en 2019 contre les États-Unis, on le suçait tous, hein. Après, ah il était oui, utilisé d'une certaine manière, c'est-à-dire prendre des rebonds, aller chercher des lobes, mais parce qu'on joue, on c'est pas le plan de jeu de Vincent. On joue parce que il joue comme ça contre les Espagnols, parce que sauf la finale l'année dernière à l'Euro, mais bon, c'était un match bon, à part. On s'est fait marcher dessus. Mais quand tu vois le jeune Rudy face au Gasol, il jouait comme ça, il défendait dur, il chopait des rebonds offensifs et il marquait des petits dunks. On lui demande pas. Mais là, il était jeune, fallait qu'il prouve des trucs. En fait, oui, mais sauf que il n'y a pas toujours envie, tu vois. Moi, je pense aussi que les mecs. Je pense que les mecs aussi, maintenant, ils ont des contrats de ouf, machin et tout. Les mecs, ils sont partisans du moindre effort, en fait. Genre, ils pensent que. En fait, ils mettent plus le cul par terre, en fait. Ils mouillent pas le maillot comme ils mouillaient avant, en fait. Parce que les mecs, ils s'en branlent. Enfin, tu vois, genre, ça donne vraiment cet aspect-là, genre. Que vraiment, les mecs, ils ont plus la passion du maillot bleu comme ils avaient avant, en fait. Moi, c'est ça que j'ai ressenti sur ce premier match de Coupe du Monde. Et bah, si c'est ça, faut pas les prendre. Et c'est pareil, tu regardes, je suis désolé, hein, mais le match contre le Liban, c'est une honte. C'est une honte. On n'a pas Mousfal, pas Le Sort, pas Gobert. Je te certifie que le match, il est inversé, que le match contre le Liban, on avait gagné, et que le match contre la Lettonie, c'était le match pour se qualifier au deuxième tour. Je peux te certifier que les trois, ils avaient leur short et ils jouaient. Il n'y avait pas de rage dedans ou de problème de cheville. Il n'y avait pas de rage dedans ou de cheville ou je sais pas quoi. Mais c'est qu'il y a des problèmes en interne. En fait, la mentalité de l'équipe de France là, sur cette Coupe du Monde... Loser. Je te jure, ma loser première. Nico, et le truc le plus inquiétant pour moi, c'est ce changement d'attitude d'une année à l'autre. Parce que sur l'année dernière, pour l'Euro... On a eu des prémices. Hein. Il y avait des prémices. On est passé vraiment les deux matchs, là, quart, huitième ou un truc comme ça. On a vraiment eu de la chatte. Tous, on a eu du cul. Mais... Gros, attends, quand même. Contre les Turcs, en sortie de poule, ouais, je sais. On est à deux lancers francs loupés de se faire éliminer à coup sûr parce Korkmaz est dans son croc. Et même au pire, on compte pas les dernières, mais 2019. Tu prends 2019. En vrai, c'est l'an dernier qui est le plus parlant. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible qu'on passe du coup le renouveau de l'équipe de France en 2019, hyper prometteur, en plus on avait des jeunes qui arrivaient, Gershon qui commençait à rouler et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, je vois pas le problème en interne, le problème dans le vestiaire. Si tu parles de 2019, il y a un match qu'on n'a pas joué, c'est la demi-finale, parce qu'on nous a rentré dedans. Les Argentins, ils nous ont éclaté le cul. Luis Scola, il nous a explosé. Il a toute l'équipe. Tout le monde a pris des coups. Et là, on s'éteint. Donc, en fait, l'équipe, il faut juste la regarder jouer, puis tu perds, du coup. Si tu veux battre l'équipe de France, tu sors les épaules et les coudes. Si tu veux pas... tu es sûr que tu vas perdre parce que du coup les mecs sont dans leur fauteuil. Mais du coup, s'il n'y a qu'une raison pour battre l'équipe de France, c'est de jouer physique, en fait, toutes nos médailles qu'on a eues depuis ce temps-là, en fait, ça vaut rien. Hein, parce que si les mecs avaient juste envie de défendre, À ce moment-là, tu prends le truc inverse, les JO. Les JO, on avait de la grinta à fond et de l'envie. Alors oui, c'était les JO. Non, mais là, c'est un mondial, c'est pas dégueulasse. Justement, faut pas non plus juger à la valeur de l'événement. Genre, c'est pas comme ça, tu vois. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est le changement d'attitude d'une compétition internationale à une autre. Alors qu'on sait très bien que. Enfin, on se proclame quasiment favori ou contender. Ouais. Et au final, on est à chier, quoi. Ouais. Tout ça pour dire que cette désillusion, elle nous fait bien mal au cœur, mais qu'on l'aime quand même, cette équipe de France. Hein. Ah, bah oui, ça, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. On était devant nos écrans, hein. Voilà. Même contre le Liban, on était devant nos écrans alors qu'il n'y a plus rien à jouer. Et même contre la Côte d'Ivoire. Bon, non, on ne sera pas devant nos écrans. Moi, j'y serai. Bon, c'est bon. Les éléphants d'Afrique, c'est merde. Moi, je veux voir, Gershon faire l'amour à toutes les défenses à chier. C'est vraiment ça fait mal au cœur en fait de comment ça se passe et c'est ouais c'est ça c'est la après, façon après on a peut-être aussi on est peut-être parti aussi trop confiant tu vois peut-être que la prépa en fait c'était trop facile Monténégro pour moi c'est sûr Lituanie. Venezuela Monténégro deux fois la Lituanie pour moi c'était vraiment trop facile comme prépa et d'ailleurs on l'a vu quand on a joué l'Australie on a perdu parce qu'on n'était pas après on fait un bon match contre l'Australie le money time a été chié, mais à part ça on fait un très bon match parce que du coup on défend vraiment au final, pour moi la prépa elle était peut-être pas au niveau où on aurait dû l'avoir on est une équipe qui a besoin de d'équipes qui nous rentrent dans la tronche il aurait fallu qu'on joue l'Espagne là ça joue un peu plus physique c'est ça le souci c'est qu'en fait on est trop soft. La Slovénie, on aurait vu Lucas nous en mettre 50, on aurait fait. On a peut-être un problème défensif là. Ah, peut-être. Ouais, bah alors, en même temps, ça arrive à d'autres, hein, d'en prendre soin. Non, mais oui, non, mais bien sûr, mais quand même. Enfin bon. Ouais. Enfin bon, voilà, grosse désillusion pour nos Bleus cet été. On espère que ils feront mieux au JO et qu'il y aura du changement. On souhaite évidemment un départ de Vincent Collet comme Doc Rivers. alors, par contre, on les échange pas. Hein. Ah non, non. Bah non, bah non, surtout pas. Après, c'est sinon, 100%, on n'a pas Embiid sinon. Fait chier. Ah. Non, mais avec ce mondial, tu penses qu'Embiid il a envie de venir jouer en équipe de France? Jamais. Bah non. Jamais. Jamais. C'est sûr. Mais alors, en même temps, pour. En vrai, si on a Victor, pas besoin d'Embiid. Non, mais en fait, tu mets Embiid, Collet, il va quand même pas lui donner la balle. Ouais, de toute manière, ce sera... super, hein, génial. On a Joel Embiid, il touche pas un ballon. Non, non, mais ça sert à rien. Fournier, non, ça sert à rien, tu shootes pas. Fournier, tu shootes Embiid, tu prends le rebond. Vincent Collet est magicien. Il arriverait à transformer Joel Embiid en Miles Turner. Oh. Ou il arriverait à transformer Joel Embiid en Rudy Gobert. Oh non. Encore pire. Encore mieux. Ouais, quelle prouesse. Je sais pas si c'est mieux. Hein. Allez. De Rudy Gobert, moi je vomis devant ma télé. Hein, je lui mets des gants box, c'est terminé. C'est ça. Allez les gars, on va clôturer là-dessus. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Oui, aussi, on peut le dire comme ça. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Cette année, on risque d'être beaucoup plus présents sur les réseaux, donc allez checker tout ça. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je pense qu'on parlera des mondiales et du coup, enfin du mondial et du coup de la deuxième phase avec des équipes qui savent jouer au basket finalement. En tout cas, on vous fait de gros bisous. On vous retrouve la semaine prochaine. Vive le basket, vive la NBA, vive quand même l'équipe de France. On les aime quand même. Ciao. Vive le DF. Ciao tout le monde. Et bon mondial à tous.